Charlie ne surfe pas. Il rote. Je rote, tu rotes, il rote, nous rotâmes. Ouais. Vous rotâtez. Bah d'ailleurs, ça va rotater pendant une heure pendant Pyongyang Styrokers numéro 289 sur Radio Campus 106,6. Il s'en frotte les mains. Mégahertz. Si ça rotate de ouais. trop, j'aurai du mal à lire mes textes. Hein. Ouais, bon, tu arrêtes. Hein. On a déjà donné. Oh, c'est ignoble. Tu sais, ah oui, tu peux pas toucher ça, c'est ignoble. Alors, je décris Audrey, oh. pour son grand retour, a décidé de faire le ménage dans le studio. Il y avait des morceaux sur l'antipop. Oui, bah c'est des normal. Bouts de cacahuètes. Hein, des miages. Écoute, regarde la couleur, ça va. Oh. Oh. Je veux pas toucher. Ne venez pas à Radio Campus. Les filtres antipop, quand même, ils ont une certaine. Ouais, voilà. Il y a du produit quand même. Tiens, on va dire. Du bactéricide. C'est marqué. Dans l'air, tu vois, comme ça. C'est marqué. C'est voilà. marqué droguerie dessus. Comment dire hein, droguerie. Droguerie. Alors, droguerie. Droguerie, c'est beau. Bah, écoutez, j'ai pas je pense mot, que là, c'est une émission qui s'annonce bien. Mais vraiment. Top. S'en remet pas. Désolé. Donc, émission 289, bien oui, qu'est-ce que j'avais noté plus, c'est que là, cette fois-ci, ça allait être régressivisme et malveillance. Alors, je ne sais pas si on va en arriver jusque là. Pour l'instant, je suis malveillant en disant que Cemented Minds n'ont rien inventé, même s'ils font les choses très bien. Ils font les choses très bien, Cemented Minds. Le dernier morceau est très bien, en tout cas. Ouais. Mais c'est, enfin, pour les vieux comme moi, tout de suite, paf, Killing Joke. Ah, je suis désolé, mais vous, d'ailleurs, vous avez un morceau ou alors un vieux morceau? Je sais pas, non, c'est A Hooded Witness. Ah, je connais pas les titres. Ah, hâtez-moi qu'une copie. Hâtez-moi qu'un peu de choses. Voilà. De quel album? Le 9. Oui, il est tout neuf. Je crois que c'est sorti il y a pas longtemps. A Hooded Witness par Cemented Minds. T'en veux un bout? Non. We'll be right back. Non mais vraiment, il y a tout pompé sur Josh Coleman, hein, c'est pas possible, hein, pas possible. Je sais pas possible. Bah, du hein? coup, on va changer. Non mais c'est bien, mais bon, voilà, quoi, je sais pas. J'écoutais ça il y a 40 ans. Que 40 ans. Il faut préciser que c'était ça à 90 ans. Donc il a écouté ça, il n'y a que 40 ans. Il est jeune, ouais. Hein, finalement. Ah bah moi, je me rappelle des Zazou. Il y a des Zazou dans mon quartier. Moi, je le suis déjà à moitié. Zazou, Zazou. Ouais. Dédicace à PA, parce que PA aussi aime beaucoup les Zazou. Je pensais qu'il aimait la vieille qui chante ça, là. Hein? Ah oui, non, Brigitte Fontaine. Ouais. Ouais, mais c'est une reprise. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Elle est vachement reprise, Brigitte Fontaine. Hein, bon. On va aller à New York, histoire de changer non, d'air. Non, j'irai pas à New York, même pas avec toi. Non, même pas avec moi, mais un jour, t'iras pas à New York avec nous. Non. Oh. Je sais pas. Non. Week-end à Rome. De toute c'est moche. Oh non, merde. Quoi, Rome? Ouais, Rome encore. Bon. Je sais pas, vous n'avez pas un peu plus nordique, quoi. Je sais pas, Stockholm, Helsinki. Si, mais je sais pas le prononcer. Leningrad. Leningrad. Leningrad. Enfin, Saint-Pétersbourg, hein. Petrograd, quoi. Allez, on va... ouais. Alors, tu voulais aller à Montevideo, là, c'est ça? À New York, pour parler de Daddy Longleg, que je connaissais un petit peu depuis quelques temps déjà, et que j'avais pas pu voir. Et la semaine dernière, j'étais absente parce qu'il y avait concert de eux-mêmes. Et donc, comme c'était bien, j'avais l'impression d'être propulsé un peu dans le bayou, avec un blues rock, avec l'harmonica, micro-tête de mort. Propulsé dans le bayou, mangé par les crocodiles et les insectes. Comme l'estat, le vampire, j'ai mangé tous ces animaux à sang froid, je suis revenu avec un verre. C'est pas là qu'ils ont des bateaux bizarres avec une hélice. C'est exactement ça. Avec un ours et tout. Ouais. Ouais, puis avec les copines, on projetait d'y aller. Les ours, ils ont pas tout le temps. C'était bien. Il fait un peu chaud pour les ours là-bas. Ouais, y a pas d'ours là-bas. Il y a des alligators. Des ours aquatiques. Il y a des lianes, tu sais, les espèces d'arbres. Mais Tarzan n'est pas là. Des waketeux, non? Il n'y a pas des waketeux. Bien. Des wapitis, c'est pas non, là. Des waketeux. C'est quoi des waketeux? C'est un animal aquatique nocturne, tu ne connais pas? Les waketeux, non, putain, mais c'est bon, allez. Google et mon ami, je vais le WQT. Le waketeux. Le waketeux. Donc, Daddy Longleg, c'est le nom commun. Alors, parce que Daddy Longleg, c'est pas un nom. Il est chassé, le waketeux. Aux alentours du bayou de la Nouvelle-Orléans. La Folsidae. Hein? Ah, voilà, ça y est, j'ai des choses intéressantes. Il s'est dit, écoute-moi, le waketeux. Hein? Donc, Daddy Longleg, c'est le nom commun de la Folsidae. Qu'est-ce que c'est, vous me direz donc, la Folsidae? Bah, je voudrais le dire, mais on va encore me taxer d'être une espèce de. Jambes. Eh bah oui, et qu'est-ce qui vous fait penser en un pépère moustique? Non, c'est donc l'araignée, une araignée, la faucheuse. Oh, et donc, c'est le nom commun en anglais. Pour parler de cet insecte. C'est un pépère moustique. Non, c'est pas un cousin. Daddy Longleg. C'est pas un cousin, c'est un pépère moustique. Putain, mais je sais pas possible. Non, c'est une arachnide. Là. T'es des chiens par le comichi. Bah, c'est une arachnide. Là, je te parle de la Folsidae. Tu vas pas y arriver. Et donc, c'est également. Je parle plus fort et on va encore me dire tu parles trop fort. Est-ce qu'on dit ça en Belgique, pépère moustique? Non, on dit les leuleux. C'est marrant, dans ma classe, il y avait des mecs qui s'appelaient Leleu. Moi aussi, c'était mon voisin s'appelait Schperr Leleu. On l'appelait Schperr Leleu. Et quand j'ai eu et ton voisin, c'était quoi ton cousin alors? Ah non, c'est pas mon cousin. Mon cousin était plus dans le nord. Mon cousin était dans la case à côté. Voilà. Voilà. Et alors, Daddy Leleu, là, ouais. Donc, l'araignée, tout ça. Mais c'est aussi le nom d'un roman épistolaire de l'écrivaine qui doit être morte de. Ouais, quoique, peut-être pas, de 1919, 90. Oh, dis pas ça, Stéphane, il serait mort plus longtemps. C'est ça. Donc, l'américaine Jeanne Webster, et qui du coup a donné un animé japonais qui est passé dans les clubs Dorothée dans les années 91. Ouais. Okay. Mais tout ceci ne nous regarde pas parce que nous on va arriver du coup. Putain, on est en deux minutes, on est passé par Club Dorothée. De bah oui, bah, c'est ça, on a des trucs à dire. Donc, c'est bon. Le morceau que j'ai choisi ce soir de vous passer, chers auditeurs, de Daddy Longleg, qui s'appelle Wrong Side the River, sorti sur l'album Long Down Ways. Et c'est quoi un peu Daddy Longleg? C'est des collabs avec Bloodshot Bill. Pardon? Bloodshot Bill, Révérend Beatman. Ah ouais, oui, voilà. Là, ça va, le Suisse là. Ouais. Et donc on retrouve un peu des influences un peu cradingues dans les éléments de ces gens-là. Bayou, tu sais, c'est pas. Ouais. Voilà. C'est vieux. Hein. Faut pas tomber dans l'eau. C'est Redneck. C'est le Bayou. C'est le Bayou. Et donc je vous invite à écouter le dernier album excellent qui s'intitule Street Sermons, qui est sorti cette année sur Yep Records. Ouais, le nom est con, mais c'est un énorme, énorme label. En verlan, ça fait Pay Record. Pay Record. C'est ça. Mais c'est quand même le label de Paul Weller, Reverend Horton Hurt, Ellie Paperboy. Ah, c'est, ouais, connais ce Reverend Horton Hurt. Tu connais ça quand même, c'est vieux. Mais. Oui, bah voilà. Oui, Big Sandy, Nick Lowe. Non, bref, bon, voilà. Qui? On va écouter un morceau d'Addie Longleg. Ouais. Hein, et qui est passé à l'aéronef, donc c'est d'être la semaine dernière. Et voilà. Donc, c'est pas forcément le plus bourrin, le plus représentatif, mais celui-ci, je l'aimais bien parce qu'il était un peu, un poil plus mélodique que les autres. Et donc, tu aimes les mélodies? Ouais, Wrong Side the River. Of. Of d'Addie Longleg. Beau faux fade out. Ouais. Le prout musical qui sert à rien. Ouais, oui. C'était les trois petites notes à la fin. Bah quoi, c'est bien. C'est, oui, ça sert à rien. Pour dire que bon, voilà, quoi, il faut qu'il fasse le tour après pour repasser sur le bon. Bon, pour revenir du bon côté de l'arrière. En parlant de la fin, à la fin de la semaine, il y a une nouvelle compilation qui va sortir sur le label espagnol basque. Tough Ain't Enough. une compilation qui ira dans la collection des Chaos in quelque chose. Ce coup-ci, c'est Chaos in Tarragona. Tarragone, c'est un chouïa au sud de Barcelone. Et je suis bien curieux de voir quel autre groupe il va y avoir sur cette compilation. Parce que j'ai avec moi un premier extrait, et c'est je crois, le seul groupe que je connais de cette ville. Le groupe c'est s'appelle. Plutôt dans l'intérieur de terre Stormbringers. Ah non, ouais, c'est un. Oh, non, c'est au... non, non, c'est carrément au sud de Barcelone. Il paraît, fait trop chaud, de toute façon. Limite à la mer, quoi. alors, le groupe, c'est Stormbringers. Dans ce groupe, on retrouve Felpas, qui est aussi le batteur. Tu dois connaître Stéphane, Bloody Gums, un vieux groupe, non? Absolument pas. Dès que c'est vieux, je pense que tu connais, mais bon non. Tiet Manuel, à pas confondre avec Tio Manuel, Manuel. Hein, en France, qui lui a joué dans, à mon avis, c'est un groupe qui aime le football, ça s'appelle Oi Supporter. Peut-être. Je connais pas. C'est peut-être pour brouiller les pistes. Et puis il y en a deux autres qui ont joué dans Ajuster des Cuentas, mais bon, ça c'est pour les scanners. C'est quoi des Cuentas? Quand tu payes trop cher, tu demandes d'ajuster. Tu peux ajuster ma Cuenta. Tu peux payer la Cuenta, por favor. C'est pas ça? La facture, ouais. Pour l'addition. Fais la moins chère. L'addition, non, ça marche pas. L'addition. Ajuste la salle, l'addition, ma femme. Donc pour le moment, il n'y a que ce morceau-là qui est disponible à l'écoute, donc pas d'autre choix que de vous balancer le morceau Orgullo par Stormbringers, et ce sera donc, je le répète, dispo dans la compilation Chaos in Tarragona qui sort le 15 avril, c'est-à-dire on est le combien, on est le 12, dans 3 jours. Ouais. Alors que demain c'est manifestation, hein. Grave manifestation, boum. Hein. Eh ben samedi. Ah ben c'est le jour de la réunion de Radio Campus, l'Assemblée générale. Si vous voulez venir boire un coup gratuit aux frais de Radio Campus, il écrit un pot clôturera cette réunion. Voilà. Mais il faut assister à tout avant. Et Magide cherche quelqu'un pour le transporter. On va appeler Marcel. Pourquoi tu dis ça rigolo? Parce que je ris toujours. Orgullo, Stormbringer, 106,6, Pyongyang City Rockers, campuslib.com. Oi. Bon, allez, j'en profite d'être tout seul dans le studio pour vous passer du bois hein, qui va fort. Bah ouais, forcément, c'est japonais. J'ai trouvé ça d'ailleurs à la fois au disque de Marc en Barrel samedi dernier, grâce à Ali, qui a toujours de très bons disques dans sa distro. Mais malheureusement, on le trouve pas trop dans les concerts. Faut vraiment faire les foires au disque. Hein. Et donc, voici venir Asfort, Asufoto, comme ils disent en japonais. Basque. En japonais. Mais c'est vrai que ça ressemble, hein, le basket japonais, ça y est, là, là, il va foutre le bordel. alors le titre que je vous passe c'est Menjuvukurai Shiso qui en français signifie faire semblant d'obéir tout en trahissant secrètement. Non, ça voulait dire j'adore les gyoza. Non, pas du tout. C'est sorti, c'est un groupe de Tokyo, Asfort, je sais pas. Alors, c'est édité chez Plomb. Non, alors que signifie Asfort? A2SFORT. C'est que le, alors c'est le diminutif de phosphore. Non. Ça veut dire qu'on a un gros cul. Oui, ou alors peut-être que c'est un gros largage de caisse, je sais pas, il y a un truc, parce que... Attends, je l'ai d'ailleurs le disque là. Oui, mais voilà. Mais tu sais, ils ont du mal avec l'orthographe des mots occidentaux. Asphartormode. Le morneur. Ah non, Asphartormode. Oh là là, putain. Et ben oula. Tu connais pas Asphartormode. Tu vas voir Asphartormode. Il s'appelle Asphartormode et pour le clin d'œil à Sliformode. Et donc, pas plus tard qu'en 1996, Asfort nous sortait ce Menjuvukurai Shiso que je vous balance maintenant. Puis, bon, enfin, peut-être. Hein, sauf si oui, bah oui, tu vas voir, c'est bien. Je n'en doute point. Putain, quand même, c'est vachement bien. Ouais, ça, c'est du hardcore. Ça, c'est du hardcore. Ah, c'est t'as vu ouais. La merde. J'ai pas du side to side, du beat down mes cool, tous ces trucs-là. Ça, c'est du hardcore, bon, c'est du métal, une barre. Bon, ouais, ça, c'est du vrai hardcore japonais qui, tu sais, genre gauze et tout ça, c'est bien. Avec un son pas très fumé quand même. Non, bah ouais, 96. On est habitué à milieu du côté. Ils avaient appris à prendre le contrôle des studios. Tout comme. Val, ouais. En face de moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous faire un truc? Bah moi, aujourd'hui, je vais marcher sur les plates-bandes de sueur de Warlin. Ta-ta-ta! Car je vais vous présenter un groupe basque. Oh, quelle surprise! T'inquiète, j'en ai un après. Ah non, j'aurais dû dire un groupe basque! Non, sans faux chaos! Alors, ils se définissent eux-mêmes comme étant un groupe de punk rock mélodique d'Irunia, Nafalora, Euskaleria. C'est ça? C'est ça. J'ai déjà mal. Je sais pas comment ils font pour parler tout le temps comme ça. Ils sont nés comme ça, ils ont pas de cordes vocales. Donc, ce groupe a été fondé en 2012 par un groupe d'amis qui ne jouaient initialement que des reprises. Les membres actuels sont. Alors, on va s'amuser à nouveau. Yeah! Chant et guitare, Utzi, chant et guitare, Azir, chant et basse, et Ala, batterie. Il y a l'expat. En 2015, ils sortent leur première démo avec le titre. Allez, c'est reparti. Ostopokai Gain des 12. Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent et qui parlent basque. Normalement, ça se dit Ostopokai Gain des 12. Voilà, mais si tu veux. Ouais, d'accord, tu dis les titres et moi je dis le reste. En 2017, ils sortent leur deuxième album Goulet Doinouak. Après de nombreux concerts à travers le Pays Basque et certains à Madrid, 5 ans plus tard, ils sortent leur dernier album sous le titre, et là je suis foutu, Errealitataren Beste Aurpegia. Si John nous écoute, il doit se marrer, mais comme un fou. Un album qui, comme les précédents, peut être entendu sur n'importe quelle plateforme numérique. Oui, on écoute maintenant, et c'est ma dernière souffrance. Eromenakerin, non, Eromenarikin Danzan. Allez, au revoir. On n'a pas bien compris le nom du groupe. Sauf au chaos. Oui. Ouais. Je trouve que c'est injuste, on ne parle jamais de ce groupe. Ah ouais. Jamais. Bah, ouais. Non, on parle de tous les basques dont on parle tout le temps, et eux, jamais. Mais voilà. Ça veut dire quoi, sauf au chaos? Bah, pourquoi tu me dis, j'en sais rien. Bah non, mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai. J'en ai aucune idée. Ça veut dire qu'en fait, ils filent bien à tout le monde. Il doit y avoir du chaos sauf dedans, au chaos. Mais. C'est la sophrologie du chaos. Voilà. Ah, sophron chaos. Voilà, c'est pour se détendre. D'accord. Avec ton chaos, tu vois. Et après, ça le refait le un chaos qui est ordonné. Ah, bah moi, après, un truc. C'est une fragmentation de l'ordinateur, tu vois. Ouais. C'est un chaos ordonné. Ça n'existe plus, hein, ça. Ah non, mais. D'ailleurs, ça sert à rien. Pour ceux qui ont arrêté. Et voilà. C'est micro mou, hein. Bon, allez, à propos de micro mou. De micro mou. Oui, micro mou. Micro mou. Oui, micro Microsoft. Soft, ça veut dire mou. Voilà, micro mou. Alors, je sais ce que veut dire sophocaos. Ah. Ah. C'est la sophocation. Presque. Ah, ça veut dire étouffé. Ouais. Là, je sophoque. Sophocaos. Je sophocaos. Bah oui, il parle comme ça. Ouais, bon, oui, bref. Voilà. Il crie comme ça tout le temps. Ah, je dis peut-être des conneries parce qu'en fait, suggestion grecque et non pas basque. Oui. Ah. Bon, basque, grec. En même temps, ça colle. C'est presque pareil. Hein. Nous, ça nous va. On valide. On reste là-dessus. Dans l'Antiquité européenne, on valide. Sauf au cas où, ça suffocationne. Et quand on suffoque, on va où? À l'hôpital. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il fonctionne pas. Je voulais dire à madame Google sauf au cas mais ça marche pas. Bon, bah c'est tout. Mais elle a sûrement pas le bon acteur. Et donc, quand on étouffe, on va où? On va à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, ou au cimetière. Ou au cimetière. Et donc, EV Times, incroyable groupe de Chicago, l'a bien compris avec ce titre, Cemetery Hospital. T'as vu la transition de fou. Hein, magnifique. Ah. Justement, j'étais en train de dire, comment je vais amener ça? Mais grâce à grand leader Stéphane, pim, tout trouvé. Et donc, EV Times, la petite particularité particulière, c'est qu'ils modifient leur son. Non pas en cherchant des nouveaux rythmes, non. Ils mettent du truc là, de l'autotune. Non plus. Du hardcore à l'autotune. Mais ils changent de line-up. Le groupe change tellement de line-up que du coup, tous les disques sont hyper différents. Mmh. Mais il y a toujours au moins un membre qui reste. Ouais. Comme tous, le, en fait, comme Luke Hobbs, quoi. Voilà. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Ouais. Voilà. Mon préféré, ça reste le premier. Tu l'as senti venir. Donc c'est le premier album qui est sorti en 2011 et d'où est tiré l'extrait Cemetery Hospital. Les autres prods sont un single seulement, un second album et un EP en sortie entre 2010 et 2016. Et donc allons faire un tour à Cemetery Hospital s'il vous plaît. Il faisait des abat-jour, bah ouais, voilà, exactement. C'était complètement fantastique. C'est bien Heavy Times. N'est-ce pas? C'est pas du hardcore. Non, ce n'est pas du hardcore. C'est du chevau. Bref, il est 20h37. Je sens qu'un ange passe, donc je dis qu'il est 20h37 sur campus. Il est 23h32. C'est Radio Campus. Voilà, 106,6. Nickel. DAB+, 6, ouais. 6. Ah, il y a une seconde de différence, mais bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai récupéré mon exemplaire promo de la cassette Mène des coups d'Iscac. Ça se voit que je suis content. Mène des coups d'Iscac, oui. Alors, il y avait 4 groupes dans le volume 1, sorti en 2021. Il y avait 9 groupes dans le volume 2, sorti en 2022. Et là... Il y en a 10. Exactement. Très bien, tu connais ta leçon. Si je parle comme ça, c'est parce que même des coups d'iscac, c'est un label qui monte et qui est basque. D'accord, c'est pas bien. Bon alors, que trouve-t-on à la tracklist de cette cassette? Alors, du belge, avec Terre-Neuve, qu'on vous a passé la semaine dernière. Comme le chien. Des Allemands, Collapse. Ah, on ça a vu, bien, que, ouais. C'est très très ah, bien. Oui, c'est très très très, très bien. Ah, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, il n'y a pas le petit disque vinyle de Collapse qui est en pré-vente ou un truc comme ça? Arsumène des coups d'escac. Arsumène des coups d'escac. Ah, oui. D'ailleurs, tous les groupes que je vous cite là sortent leurs dix dans les semaines, voire mois à venir. Voilà, tout est déjà en pré-vente. C'est pratique. Hein. Ce c'est, il fait ça bien, Edouard. Hein. Mais bon. Il y a aussi des Français. Eh ouais, ma gueule. Résilience, le nouveau groupe parisien. J'ai été super étonné de les voir signer. Sur même des coups d'iscac. C'est peut-être la voix qui fait ça. La voix de Mamad. Ah, Mamad. Il y a des ricains avec Lost Legion et Cidadão, qu'on dirait plutôt un groupe brasileiro. Portugais. Ouais, portugais. Ouais. Mais bon, ils sont américains. Il y a des Canadiens Crosshair, des Espagnols. Ton groupe un peu fétiche, Enemic Interior. Ah. Il y a aussi, me semble-t-il, il y a un disque qui va sortir. C'est ça. Qui vient de sortir, tous, non, je tous sur même des coups discac. Oh, il est tout est déjà en écoute, de toute façon. Oui. Je fais de la promo pour faire de la promo. Là. Merde. On voilà. A pas le droit. Hein, ça. Voilà. J'avais dit tout à l'heure si ça. Ça dit quoi déjà? Si ça retourne. Ça, voilà, ça rotate si trop. Ben, ça a rotaté. Et du rotation. Et bien sûr. Et oui. Bien sûr. Vu que le label est un label basque basé à Bermeo, il y a des groupes basques avec Puro Ojo, Revert et Cuero. Cuero qui veut dire cuir, comme le groupe de Brest. Mais ils font pas du tout la même chose. D'ailleurs, on va les écouter tout de suite avec le morceau Vizcaya Machaca, qu'on peut traduire par Biscaye smatché, écrasé, écrabouillé. Oh. Biscaye, c'est une région du Pays Basque. Machuqué. Ah. C'est là où on est allé. Ah, d'accord. Biscaya. Ok. Biscaya. Ah oui. Voilà. Tu sais que t'es allé là-bas? Oui. T'es con? Et ce morceau, on pourra le retrouver donc sur un split 12 pouces. Qu'il partage avec Puro Audio et qui s'appellera Morire en Vizcaya. Mourir chez bio. En Biscaye. C'est pas une mauvaise idée, ça. Tout un programme. Vizcaya Macacha sur Radio Campus Lille 106,6. Et puis bah, on va terminer ça comment? Par Mila Eshker, Edward, Agur. Allez. Agur. Je vous bah c'était fini, dis donc. Chaud bien, hein. Ouais, bien. C'est pas du tout comme cuir. Hein. T'as bien, t'es bien. Je suis bien d'accord. Est-ce que vous. Poilu. Est-ce que. Je crois que ça va nous poursuivre maintenant, c'est l'histoire de poils. La dernière fois qu'on m'a dit ça. D'abord. Est-ce que vous connaissez les Death Discs? Death Discs. Ah ben bah les disques De la mort. Ah, de la mort, j'avais compris. Death. Death. Death. Pour les Death. Death. Ouais. Disque mort. Eh ben non, c'est pas du métal. C'est un truc qui s'est passé au début des années 60 en Grande-Bretagne. Il y avait une vague de chansons pop à succès qui racontent toutes plus ou moins la même chose, c'est-à-dire en général amour impossible parce que l'un des deux protagonistes est déjà mort, mais qui revient hanter son ou sa partenaire les soirs de grand vent quand les chiens hurlent dans la langue. Le film Ghost. Voilà. Par exemple, Johnny Remember Me, que vous avez peut-être déjà entendu, est un de ceux-là. Ça avait été créé par le belâtre John Lytton avec ses Outlaws en juillet 61. Les paroles contiennent la phrase « La fille que j'aimais et qui est morte il y a un an ». Ça a suffi, c'est juste cette phrase-là, pour le faire bannir à jamais de la BBC. Peu importe, parce que ça s'est quand même vendu à des millions d'exemplaires, rien qu'en Grande-Bretagne, et puis aussi à l'étranger. Puis après, ça a été repris par à peu près tout le monde. Les Chats Sauvages. Oh, tu connais, Dick? Ouais, ouais. Ah ouais. les Meteors. Oh, ben ouais, voilà. Aussi Soft Cell. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ouais. Ouais, voilà. Qui ont repris ça. Ouais. Et ben ils ont repris Johnny Remember Me. Et en 2023, la Californie se penche sur le cas. C'est Spaghetti Orgasmonde qui fait son affaire au tube planétaire en faisant une ritournelle italienne ultra kitschos. Gianni Ricordati. Si. Jeannot, rappelle-toi. Rappelle-toi. Voilà. Voilà. Et en plus, ils se font aider par Yann Svedonius, c'est le mec de Nation of Ulysses, Chain and the Gang, et puis plein d'autres groupes, tu sais. Bref, c'est sorti il y a un mois chez Rockery Records, chez Love Mazout, leur label, quoi. Jaune Orange, Overcraft et Ronnie Rex. Voici donc, je vous avais déjà passé les premières mesures il y a deux, trois semaines, un mois, j'ai pu. Bref, voici Spaghetti Orgasmonde featuring Yann Svedonius avec Gianni Ricordati. Oh, ben, ah, voilà. Il avait continué. Ça va être compliqué là, de le relancer. Oh, hop, non, hop, je le remets. Oh. Yeah. bonjour. Ouais, ouais. Je sais pas, moi, ça me donne envie de pizza, là, tout d'un coup. Bon, ah, voilà. Oui, c'est une riche idée. Ah, ouais, moi, j'avais envie. Ouais, mais faut faire la pâte quelques heures avant, parce que sinon, elle est, ah, pas, elle est pas bien. Ouais. Ça n'est pas, c'est pas assez élastique. Ouais, tu ne peux pas l'étendre. Mais exactement. Exactement. Et puis, même, elle a une texture zarbi. Pas bien. Non, pas bien. Non, moi, en plus, moi, je fais ma pâte moi-même. Bientôt, je serai pizzaiolo et tu vas voir, ça va. Ah, bah, finalement, c'est pour ça, tu cherches pas de travail. T'as déjà un travail. Tu sais quoi faire, en fait. Tu cherches le local, le four, si vous voulez. Si, ouais, parce qu'ils font un four à 500 degrés, hein, sinon c'est la merde. Ça ne marche pas. Bah si, mais ça met plus longtemps, c'est chiant. Ah, puis ça, c'est moins bon. Hein. Non, bah oui, bien sûr. Elle n'est pas saisie. Elle n'est pas saisie, mais exactement. Exactement. Et alors, elle prend un côté biscotté, un peu, qui est bien, mais il faut. Si, mais faut pas trop, juste un peu, quoi. Bah, quand elle est saisie, oui, elle prend ce petit côté. On va faire un recueil de recettes, puis on vient en parler la fois passée, émission culinaire, je te dis. Culinaire, bah ouais. On devrait faire ça, tu sais. Ah, mais j'ai plein de recettes. Comme Chrysanthème, là, l'émission du mardi sur Campus. Je vais au Chrysanthème, s'il vous plaît. Donc, ils font des émissions thématiques. Eh ben, c'est on va faire une émission spéciale pizza. Vous avez une émission spéciale raclette. Voilà. Bon, si vous vous souvenez, cher. Non, c'était autre chose. Là, ouais, c'était, mais il y a eu quand même. C'était des pinasses dans le crépi. Ah ouais. Bon, voilà. Allez. Bon, il reste 10 minutes, là. Que moi je dis pain de fumesse parce que je trouve ça plus facile à dire. En fait, c'est du pain fumé, il est fait dans un four spécial aussi. C'est pain, tu sais, l'espèce de logiciel de micro-doux qui fait des trucs moches. C'est pain qui fait de la peine à ton cœur avec plein de thé, tu vois, et de la fumée comme Louis de Fumesse. Tu l'as travaillé, ça. Même pas, c'est sorti spontanément. Quand j'ai faim, je dis de la merde. Ouais, la dernière fois qu'on m'a dit ça. Allez, une pizza là. Maintenant. Voilà, donc c'est des gros nihilistes de la scène garage punk ricaine de Caroline du Nord. Caroline du Nord, tu nous entends. Ah ouais. Ils passent plus de temps à l'hôpital Caroline. Que sur scène quand ils sont en tournée, ces gens, avec des expériences de mort imminente. On les surnomme les morts vivants du garage punk. D'ailleurs, ils ont accompagné Palgrave. C'est aussi des Death Discs ou... C'est des tout bien. Death Discs. Non, c'est pas des Death Discs, mais c'est du pain fumé. C'est pas bon, hein. Et donc, du coup, ils ont accompagné pas mal de groupes qu'on aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Mais toi aussi, King Can, à l'époque du barbecue show. Ah ouais, si, ouais. Voilà. Ouais, moi, je préfère King Can's. Oh, le blanc. Bah, elles ont accompagné également Shannon and the Clans, que nous pourrons voir et déguster en juin à l'aéro de Lille. Tu peux arrêter de parler à côté du micro là. On est bien contents, il faut savoir. Hein, soit je... Brat un cul. Les vapeurs de fumée, Pain Fumesse, ces quatre albums sortis chez Slovenly, qu'on aime beaucoup. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Get Tips Records ou encore Dig Records. C'est pas rien. Il y a pas Yep, il y a Yep, il y a quatrième label, c'est Yep, on peut pas dire, c'est ça. Non. Burger Records, non. Non, ils sont pas sortis chez Burger. Tu remarqueras, j'ai jamais parlé d'aucun groupe de Burger. Je préfère les pizzas, ouais. Clairement. Pizza. Il y a beaucoup moins de pain records, et ça, tu peux mettre plus de garniture, c'est meilleur la garniture que le pain. Ouais. Ouais, hein. C'est pas bon. Ah, plus, j'aime pas moins bon. Bien. C'est du pain sucré, c'est dégueulasse. Moi, je préfère le pain fumé. Oh. Du coup, elle retombe sur ses pattes. Eh ben oui, j'ai choisi un morceau un petit peu plus atypique, la mélodie, mon ami, la mélodie issue du dernier album qui s'intitule Real Romancer. Et donc, le morceau s'intitule Planetary Plants. Parce que j'ai des plans pour la planète. La planète. Les plans pour la planète. Bon, allez, on y va. Ben ouais, parfumé. Au pluriel. Yeah. C'était l'envoi. Pizza. Pizza. Mourir de faim. Tiens, à propos, Benoît, bonsoir. pizza. oui. Allez. C'était bien parfumé. Ok. Ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'aimais bien les paroles. Il reste 4 minutes, les gars. Allez, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Si c'est le cas, ben, je vais vous passer un morceau extrait du premier album de Squelette qui va sortir fin avril et qui s'appellera Fin de partie. Ça sera une coproduction entre le label René Primator Crew et le label montréalais Shum Records, qui est le label de Martin, le Martin d'Ultra Radia. Squelette, c'est depuis 2019 Tom Sultan à la guitare, Eva à la basse, Tonio à la batterie et Grand Chris au chant. Le morceau qui sert de promo s'appelle Le Vrai Ennemi. Et c'est tout de suite sur Radio Campus Lille 106,6 campuslille.com. Ouais. Oh oui. C'est vachement bien pour finir, il nous reste 30 secondes pour dire au revoir, même pas 20. Au revoir. Donc au revoir, à la semaine prochaine pour Pyongyang Tire au cœur numéro 290. Au revoir et puis on n'oublie pas. Akam. Merci. Au revoir. Allez, puis vous continuez d'écouter quand plus ça.